Section 26 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 26. La charge de Rezonville, par Alfred Duquet. Il est 5 heures. Les Allemands n'ont pas fait un pas depuis la prise de Flavigny. Tous leurs efforts se sont brisés sur les nombreux bataillons que nous avons à leur opposer. Le 2e corps se tient à l'est de Gravelotte, surveillant toujours la route d'Ars à Gravelotte, sans que son chef ait l'idée d'envoyer quelques cavaliers pour savoir si l'ennemi n'entreprendrait pas une diversion de ce côté. Non, la route est libre. Mais nous sommes dans l'ignorance de ce qui s'y passe. La 2e brigade de voltigeurs, les Zouaves, la majeure partie de la cavalerie de la garde, sont autour de la maison de poste, devant le bois des Ognons, également libre d'Allemands et partiellement occupée par une brigade de la division Montaudon. Les généraux de Forton et de Valabrègue sont derrière la maison de poste. La 1e brigade de voltigeurs garnit les bâtiments de Rezonville et lie sa gauche à l'autre brigade de la division Montaudon. Le général Lapassé se tient en avant du général de Montaudon, couvert lui-même par les grenadiers de la garde, qui défendent héroïquement, avec l'appui de la réserve d'artillerie, les débouchés de Gorze et le sanglant mamelon que les Prussiens n'ont pu encore emporter. À l'ouest de Rezonville, à cheval sur la grande route, l'artillerie de la garde étage ses batteries sous la protection de la division Levasseur-Sorval du 6e corps. Les divisions Lafond de Villiers et Tixier, de même que le 9e de ligne, seul régiment présent de la division Bisson, sont embusqués sous les bois de Villers, près de la voie romaine. La division Aymar du 3e corps relie le général Tixier au 4e, faisant face au bois de Tronville. La division Néral quitte le maréchal Leboeuf sur l'ordre de Bazaine et passe devant Villers au bois pour aller renforcer les innombrables bataillons de notre gauche. La brigade de cavalerie de Juniac entoure Saint-Marcel. Quant au 4e corps, qui ne se composait que des divisions Grenier et de Cizay, il défendait le ravin coupant le plateau du bois de Tronville à la ferme de Grisière, ayant derrière son infanterie les divisions de cavalerie Legrand et de Clérambault, la brigade de France et le 2e chasseur d'Afrique. Avant de tracer la position de l'armée ennemie, il est bon d'examiner avec soin notre ordre de bataille. Fait-il donc tant d'honneur au commandant en chef? On le croirait, à entendre le général de l'Admiraux. En effet, ce général parle des dispositions réellement habiles du maréchal Bazaine. Jugeons cette habileté. Il est tout d'abord entendu que la défensive où se renfermait le maréchal n'était pas d'un véritable homme de guerre. Que dire également de son obstination à renforcer sa gauche, qui n'était pas menacée, pour dégarnir sa droite, qui aurait dû lui assurer la victoire. Y avait-il aussi une réelle habileté à ne pas donner d'ordre aux chefs de corps ou à les envoyer tardivement? Pourquoi encore ignorer ou faire semblant d'ignorer la présence du 4e corps du côté de Bruville? Pourquoi enfin ne pas expédier des aides de camp pour presser l'arrivée des divisions de Laurensec et Mettmann, certainement plus rapprochées de Rezonville que le 10e corps prussien, qui cependant trouva moyen d'accourir, à la fin du jour, à l'aide du général d'Alvensleben? Cette réelle habileté consisterait-elle à mêler tous les corps entre eux, à séparer les régiments de la garde par la division Montaudon, à soustraire cette division à l'autorité de son commandant de corps? en la portant à l'extrémité du champ de bataille. Non, il ne faut pas se risquer à proclamer l'habileté du maréchal Bazaine. Qu'il ait été un bon chef de corps, c'est possible, mais autre chose est de bien se battre. Autre chose est de savoir faire manœuvrer toute une armée. Bazaine s'est révélé triste tacticien à Rezonville et Saint-Privat ne le réhabilitera pas à cet égard. Ni la bravoure, ni le sang-froid n'ont manqué au maréchal Bazaine. Mais il n'a pas su diriger les opérations. Il ne s'est pas montré en état, dans le sens le plus élevé du mot, d'exercer le commandement. Lui-même dut avoir le sentiment de son incapacité. Sa conduite, le surlendemain, tendrait à le prouver. Revenons maintenant à l'armée ennemie et jetons les yeux sur les positions occupées par les renforts qui viennent de lui arriver. La 30e brigade, colonel de Rex, de la 16e division, de Barnekov, du 7e corps, 1ère armée, apparaissait sur la route de Gorz, en avant du bois Saint-Arnoux. Derrière cette brigade, le régiment numéro 11 du 9e corps entrait dans les taillis de Tronville. La division Stupnagel, épuisée, couvrait de ses débris l'espace compris entre le bois Saint-Arnoux et Flavigny, protégeant encore la longue ligne d'artillerie qui se déroulait au-dessus d'elle. La division de Budenbrock se cramponnait à Vionville. 4 brigades de cavalerie stationnées derrière les 5e et 6e divisions. Le 10e corps avait sa 20e division dans le bois de Tronville. La brigade Lehmann et un régiment de la 6e division se remettaient de leurs sanglants engagements aux alentours de Tronville. La brigade de Wedel était disposée en éventail, au nord de Mars-Latour, ainsi que nous l'avons déjà dit. La 11e brigade de cavalerie et quelques escadrons se tenaient non loin de Tronville. On constate que nous avons toujours une supériorité écrasante. 13 divisions d'infanterie, en comptant la brigade La Passée et le 9e de ligne de la division Bisson, plus 5 divisions de cavalerie contre 5 d'infanterie, plus 2 divisions de cavalerie et quelques régiments ne représentant pas une division, soit 18 contre 8. Et la bataille est demeurée indécise avec les soldats de Crimée et d'Italie. Quand donc serons-nous lavés du crime de Bazaine? Quand donc les défaillances de cette lugubre époque seront-elles effacées par des torrents de sang allemand? Mais continuons le récit de cette terrible journée. La brigade de Wedel pousse droit sur le général Grenier, retranché à Grisière et couvert par le ravin. Les régiments westphaliens, franchissant l'obstacle, apparaissent au sommet de la crête. Une grêle de balles les accueille et le général de Cissé, débouchant au pas de course à la droite de la division Grenier, se rue aussitôt sur la brigade prussienne déjà épuisée d'efforts. L'action dure quelques minutes à peine, au bout desquelles le 16e régiment est contraint, le premier, de faire sonner la retraite. Les débris de ces braves bataillons se laissent glisser dans le ravin. L'adversaire marchant jusqu'à la crête, les foudroie de ses feux et les anéantit presque totalement. Général, colonel, major tombent tour à tour. Tous les chefs de grade supérieurs sont démontés. La plupart des officiers sont déjà morts ou blessés. Nous ramassons 370 prisonniers et le sous-lieutenant Chabal, du 57e de ligne, capture le drapeau du 16e prussien. Cette tentative mettait au général de Wedel 72 officiers et 2542 hommes hors de combat. Selon l'expression de M. de Molke, à propos de la charge des cuirassiers à Morsbronn, la brigade de Wedel pouvait être regardée comme anéantie. À notre tour, nous traversons le ravin et poussons l'ennemi débandé, la baïonnette au rein. Il était 6 heures du soir, et encore une fois, un effort sur notre droite aurait assuré la victoire à l'armée française. Mais Bazaine reste toujours muet et caché. Aucun ordre de marcher en avant ne parvient à l'admiraux, à Leboeuf et à Camp Robert. Néanmoins, le mouvement contre Mars-la-Tour est tellement indiqué que le commandant du 4e corps l'entreprend de lui-même, quoique avec hésitation. L'instant est dramatique pour les Allemands. Plus d'infanterie à opposer à l'admiraux et à Leboeuf, et l'artillerie est à bout de force et de munitions. Le général de Voie Retz jette au-devant des assaillants ce qu'il a sous la main. Le 1er régiment de dragons de la garde est là, ainsi que le 4e cuirassier de la brigade Barbie. Il les lance sur le général Grenier. Nos mitrailleuses renversent les cuirassiers qui sont obligés de se retirer. Les dragons, plus heureux, abordent nos soldats et le général Breillé, un des brigadiers de Cizay, est tué à ce moment. Mais nos troupiers se groupent autour de leur drapeau et fusillent à coup sûr les cavaliers ennemis. Le 73e de ligne détruit un escadron presque entier, de quelques salves bien ajustées. Les dragons doivent se replier en laissant près des 2/3 de leur monde sur le carreau, y compris leurs 2 colonels. Cette troupe ne pourra même plus participer aux nouveaux exploits de cavalerie que nous verrons tout à l'heure. Malheureusement, l'admiraux, indécis, est arrêté par cette charge avortée. Il fait repasser la creusée à ses troupes et les empêche ainsi de s'emparer d'une batterie prussienne empêtrée dans le fatal ravin et qui, grâce à notre mollesse, se hâte de déguerpir et de se cacher à Mars-la-Tour. Cependant, les dragons ont été affreusement abîmés. Presque tous leurs chefs ont disparu. 125 cavaliers et 250 chevaux sont hors de combat et le colonel est mortellement frappé. Cette charge est le prélude sanglant de l'atroce boucherie où près de 9000 sabres vont se croiser dans un combat acharné. C'est l'ouverture du drame équestre qui mettra aux prises les escadrons des deux armées dans un choc qui rappellera les rudes assauts des chevaliers de la guerre de 100 ans. En effet, le commandant du 4e corps a honte de reculer devant un si petit nombre d'adversaires et s'apprête, encore une fois, à tourner la gauche prussienne. Der Chef, le danger est pressant pour nos ennemis. Frédéric Charles, en proie à une vive anxiété, croit toujours voir déboucher sur ses soldats, harassés et débandés, les masses profondes de l'admiraux, de Leboeuf et de Camp Robert. Seul, le 4e corps s'ébranle lentement. Il faut l'arrêter à tout prix. Et le prince jette à sa rencontre, pêle-mêle, tous les régiments dont il peut disposer. Une batterie prussienne s'était portée en avant, entre Ville-sur-Iron et la ferme de Grisière, et de là bombardait les bataillons qui se massaient au nord de cette ferme. Le 2e chasseur d'Afrique tombe comme la foudre sur les artilleurs allemands, les sabres, et va s'emparer de leurs pièces, quand les dragons de la garde royale accourent à l'aide de la batterie. Ils sont d'abord culbutés, et tout ce monde tourbillonne en retraite du côté de Mars-la-Tour. Mais le 13e dragon se jette à son tour dans la bagarre, et l'infanterie ennemie exécute plusieurs décharges contre nos chasseurs d'Afrique. Ceux-ci se retirent alors devant le nombre considérable des assaillants et se placent à égale distance de Ville-sur-Iron et de Bruville. Aussi bien, les 2 cavaleries sont prises, maintenant, dans l'engrenage et vont être entraînées tout entières dans une lutte formidable. Les dragons prussiens osent pousser en avant. Le général de l'admiraux les arrête nets. en couvrant le deuxième chasseur d'Afrique par les deuxième et septième hussards, le troisième dragon, les lanciers de la garde et les dragons de l'impératrice. De son côté, le prince Frédéric Charles, effrayé de ces mouvements, qui ne lui présagent rien de bon, fait partir au galop toute la cavalerie réunie entre Tronville et Puxieux. La brigade Barbie passe à l'ouest de Mars-la-Tour, emmenant avec elle le 16e dragon et le 10e hussard, et précédée du 13e dragon, qui suit la route de Mars-la-Tour à Jarny. Les hussards du général de Montaigu s'abattent sur ce dernier régiment avec la rapidité de l'éclair, le sabre et le traverse de part en part. Malheureusement, cette charge avait été mal préparée. Nos régiments n'étaient pas à même de se soutenir immédiatement et nos pauvres petits hussards ont peine à lutter contre les cavaliers allemands. Le troisième dragon de la brigade de Gonrecourt survient alors pendant que le restant de la brigade Barbie et le 10e hussard prussien volent au secours de leur régiment d'avant-garde. Superbe, à la tête de ses dragons, le général Legrand galope, brandissant son épée et répétant d'une voix retentissante son fameux cri « Au sabre, au sabre !» Un choc effrayant allait se produire entre les trois régiments français et les six régiments allemands. Il est environ 6h15. Les deux lignes de cavalerie s'abordent sur tout leur front avec la plus grande impétuosité. Vainqueurs sur un point, rompus sur un autre, les escadrons des deux parties s'efforcent, chacun pour son compte, de gagner le flanc de l'adversaire. Un épais nuage de poussière s'élève bientôt et voile cette furieuse mêlée. Mais nos deux régiments de hussards ne sauraient résister à la nuée de cavaliers qui les entourent. Le général de Montaigu, grièvement blessé, est fait prisonnier. Le général Legrand s'élance avec le troisième dragon au secours de ses soldats, vivement ramenés. Mais c'est en vain. La mort, une mort digne d'un cavalier, vient de frapper au milieu de ses inutiles efforts. Le général de France n'avait pas jugé opportun d'appuyer la division Legrand. Il attendait la cavalerie ennemie, sans même achever le déploiement des dragons de l'impératrice. Il ne se décide à entrer en action qu'après l'échec du général Legrand, lorsque les Allemands ne sont plus qu'à 150 pas de lui. Il précipite alors ses lanciers sur les lanciers d'Oldenbourg. D'un élan irrésistible, nos escadrons traversent les dragons allemands. Malheureusement, ils vont donner dans la droite du général Legrand et sont pris, à cause de leurs habits bleus, pour les Prussiens. Nos cavaliers égorgent les lanciers sans les reconnaître. Témoins de cette méprise, les Uhlans bousculent un escadron de lanciers. Mais les dragons de l'impératrice se jettent à leur tour sur le flanc des Uhlans. La mêlée devient indescriptible, furieuse. Au milieu de cette poussière qui aveugle, on n'y voit plus. Les sabres frappent sans relâche, tuent presque au hasard. Dans cette masse confuse qui tourbillonne et se mêle à ce point qu'on ne peut distinguer les Français des Prussiens, les hussards, puis les cuirassiers allemands font de larges trouées, tandis que nos infatigables chasseurs d'Afrique se précipite au plus épais de la mêlée. 8000 cavaliers s'entretuent au milieu des hurrahs et du choc formidable du fer. Mais que font, pendant ce massacre, les 5 régiments de la division de Clérambault massés auprès de Bruville? Le général de l'Admiraux a oublié de les aviser de l'action qu'il a engagée. Cependant, le général de Clérambault, apercevant de l'endroit qu'il occupait la poussière soulevée par les charges de la division Legrand, se porte rapidement en avant pour prendre part au combat et nous assurer la victoire. Par malheur, la brigade de chasseurs n'apparaît que lorsque nos hussards se replient et elle vient se heurter à nos escadrons désorganisés. Le général de France augmente le désordre en faisant sonner le ralliement, car ce signal, mal compris, porte la confusion à son comble. Mais l'arrivée des dragons de la brigade de Maubranche arrête les progrès des Prussiens, qui se hâtent de regagner Mars-la-Tour, fusillés d'un côté par les chasseurs d'Afrique, embusqués dans le petit bois de Ville-sur-Iron, et de l'autre côté par les fantassins du 4e corps établi à Grisières. En dépit des euphémismes employés à profusion par le rédacteur officiel prussien pour expliquer la retraite de sa cavalerie, il n'en est pas moins certain que les dragons de la division de Clérambault l'ont déterminé à se retirer parce qu'elle n'était plus en état de lutter avec de nouveaux combattants. Nos ennemis doivent se contenter du résultat qu'ils ont obtenu et qui est assez important, puisque le mouvement du 4e corps était interrompu et la gauche prussienne encore une fois préservée. Et de fait, cette attaque empêche le général de Ladmirault de profiter de ses succès et de marcher sur Villonville en lui faisant croire qu'il a devant lui des forces supérieures. D'ailleurs, l'absence de toute instruction du commandant en chef paralyse son initiative. Aussi, se contente-t-il de garder ses positions, sans pousser droit sur Mars-la-Tour. Les Prussiens en profitaient pour faire respirer les débris épuisés de leur infanterie et les établir au sud-ouest de Tronville, sous la protection de la cavalerie groupée près de Mars-le-Tour. Afin d'en terminer avec cette charge célèbre, disons que 6 régiments et un escadron avaient donné du côté des Prussiens et 6 régiments seulement du côté des Français, car l'entrée en action de la division de Clérambault entraîna immédiatement la retraite de nos ennemis, ce qui ne permit pas aux brigades de Bruchard et de Maubranche d'aborder les Allemands corps à corps. Disons aussi que si les deux adversaires firent preuve d'une égale bravoure, que si les officiers et les soldats se battirent en héros, les généraux français se montrèrent incapables de diriger techniquement leurs escadrons. Le commandant du 4e corps, les généraux Legrand, de France et du Barail, furent plus que médiocres. Legrand se présenta magnifique de fougue et de hardiesse, mais il chargea en simple dragon et ne porta son dernier régiment au secours de ses hussards que lorsque ceux-ci étaient déjà ébranlés par la brigade Barbie. Le général de France suivit la même tactique et la garde n'accourut à la rescousse qu'après la débandade de la division Legrand. Le général du Barail ne ramena ses chasseurs d'Afrique que lorsque la garde fut entamée. On le voit, c'est un système. Quant au général de Ladmirault, directement responsable de ces fausses manœuvres, il ne sut pas profiter de la supériorité numérique de ses escadrons pour les jeter sur le centre et les flancs d'un adversaire d'autant plus facile à culbuter que les cavaliers allemands, en haleine, depuis le matin, avaient vu leur rang s'éclaircir par les combats déjà livrés aux différents corps français. Non, il lança ses 11 beaux régiments au hasard, à la suite les uns des autres, et à de grands intervalles. Cette lourde faute explique pourquoi 2 divisions françaises, n'ayant pas subi le feu de la journée, n'ont pas mis en déroute une brigade prussienne, dont les cavaliers harassés se tenaient sous nos balles et sous nos obus depuis de mortelles heures. Nos généraux ne savaient pas plus se servir, sur le champ de bataille, de leur magnifique escadron, qu'ils n'avaient su les utiliser avant la lutte, pour se renseigner touchant les mouvements de l'ennemi. À ce point de vue, les Prussiens avaient sur nous une supériorité indiscutable, et ils ont le droit d'être fiers du rôle de leur cavalerie à la bataille de Rezonville, rôle qui rappelle celui de nos hussards, de nos dragons et de nos cuirassiers au temps glorieux de la République et de l'Empire. Cette rude affaire était donc fini à notre droite. Car infanterie, artillerie et cavalerie du 10e corps s'étaient repliés au sud de la chaussée, sauf le général de Kratz, qui, après avoir donné l'ordre d'évacuer le bois de Tronville, l'avait fait réoccuper à la faveur des charges de la brigade Barbie. L'obscurité commençait à tomber et le silence régnait maintenant sur cette partie du théâtre où se jouait l'avenir de notre pays. Le commandant du 4e corps laissait de voir Retz lui dérober une proie si facile à saisir et il établissait ses bivouacs sur la hauteur située à l'ouest de la ferme de Grisière. Fin de la section 26, lue par Margot.